Salut, salut, salut, comme tous les dimanches soirs, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées, c'est Lost in Space sur le 100FM. Il est 21h, pile tapante après le générique, et on attaque directement avec les Bad Brains, Band in DC. C'est parti! Wait! C'était le brigadier Le Méheux qui tenait le fond du corps de garde, les coudes sur la table contre l'abat-jour. Il ronflait. Je lui voyais de loin les petites moustaches au reflet de la veilleuse. Son casque lui cachait les yeux, le poids lui faisait crouler la tête. Il relevait encore, il se défendait du roupillon, l'heure venait juste de sonner. She looks so good. I wanna hold her tight. Can't to and you know you've seen it all. And at his coming and you'll go far back east, your tide don't crawl. Play ethnic jazz to the Rachel Snaz on your bottom grand stereo. Bragging that you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you roast beer. Right, God will not help you here. Brace yourself, my dear. Brace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Speech. You suck like a leech, you want everyone to act like you. Kiss ass for your bitch so you can get a rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve, then your head is skewered on a stake. Now you can know where people are won. Now you can know where they get things done. What you need, my son, what do you need, my son? It's a holiday in Cambodia, where people dress in black. Need a holiday in Cambodia, where no kids ask for the rack. J'avais attendu devant la grille longtemps. Une grille qui faisait réfléchir une de ces fontes vraiment géantes, une treille terrible de lance dressée comme ça en plein noir. L'ordre de route, je l'avais dans la main. L'heure était écrite dessus. Le factionnaire de la guérite, il avait poussé lui-même le portillon avec sa crosse. Il avait prévenu l'intérieur. « Brigadier, c'est l'engagé. Qu'il entre, ce con-là » Lost in the dark. Ils étaient bien une vingtaine vautrés dans la paille du Bas-Flanc. Ils se sont secoués. Ils ont grogné. Le factionnaire, il émergeait juste à peine, le bout des oreilles de son engonçage de manteau. Ébouriffé de pèlerines comme un nuageux artichaut. Et puis jusqu'au pavé, encore plein de volants, une crinoline de godet. J'ai bien remarqué des pavés plus gros que des têtes, presque à marcher entre. They were wild like the USA, a mystery band in a New York way. Rock and roll, but not like the rest, and to me, America at its best. How in the world were they making that sound? Velvet Underground, a spooky tone on a Fender bass. Played less notes and left more space. Stayed kinda still, looked kinda shy, kinda far away, kinda dignified. How in the world were they making that sound? Velvet Underground, well you could look at that band and wonder where all that sound was coming from, with just four people there. Twangy sounds of the cheapest types, sounds as stark as black and white stripes. Bold and brash, sharp and rude, like the heat's turned off and you're low on food. How in the world are they making that sound? Velvet Underground, like this. Tuck and Sally inside, she's cooking for the down fire. Staring at Miss Rayon, she's busy licking up her pusher's hand. I'm searching for my mainline. I said I could hit sideways. I said I could hit sideways. She does it just like Sister A said. All right. Cheapest kind, like guitar sale $29.99. Bold and brash, stock and still, like the heat's turned off and you can't pay the bill. How in the world are they making that sound? Velvet on the ground, both guitars got the first tone on. Drummer standing upright, pounding along. A howl, a tone, a feedback whine. Biker boys meet the college kind. How in the world are they making that sound? Velvet Underground, a wild, wild party when it starts to unwind. Close encounter of the thirdest kind, on the bandstand moving, everybody moving. How in the world are they making that sound? Velvet Underground. Just like heaven. We'll be right back. coglione, che ormai gli hai votati. Campagne elettorali, terrette sui giornali, tutte le promesse fatte ai meridionali. Questa è l'Italia del tuo avvenimento, ma il tuo interesse te ne fotti della gente. Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. Quello che cercavi ora non trovi più, fatti manipolare dalla radio alla TV. L'Europa è la tua nazione, per cercare di obiettare, sempre dalla prigione. Sopravvivi sempre per un pezzo di pane, fatti la valigia o sono morto di fame. Tanto su a nord c'è un lavoro che ti aspetta, lascia il tuo paese, lascialo di fretta. Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. This is your government. On est entré dans la tanière. Ça cognait à défaillir les hommes de la garde. Ça vous fonçait comme odeur dans le fond des narines à vous renverser les esprits. Ça vous faisait flairer tout de travers tellement c'était fort et âcre. La viande, la pisse et la chic et la veste que ça cognait à toute violence. Et puis le café triste refroidi. Et puis un goût de crottin. Et puis encore quelque chose de fade comme du rat crevé plein les coins. Ça vous tournait sur les poumons à pas terminer son souffle. Mais l'autre accroupi à la lampe, il ne m'a pas laissé réfléchir. Dis donc, l'enflure, tu veux mes pompes pour te faire bouger? Passe-moi ton nom, ta nature. Tu veux pas t'inscrire tout seul? Veux-tu que je t'envoie une birouette? We'll be right back. Go to a Je voulais bien me rapprocher de la table, mais il y avait tous les pieds des autres en travers du chemin. Toutes les bottes éperonnées, fumantes, de tous les vautrés dans la paille. Ils ronflaient tout empaquetés dans le roupillon. Roulés dans leur nippe, ça faisait un rempart compact. J'ai enjambé tout le paquet, le brigadier, il me faisait honte. Visez-moi ça l'empotée, une demoiselle, jamais vu un civil si gourde, merde! On nous l'a fait des spéciales. Arrive, bijou. Yeah. Lors de ce clair matin d'avril tira Marie au lait du sommeil, elle se tourna vers son mari. Les petits doigts au coin des lèvres, se faisant une bouche de grenouille, il la regardait. « Tu es bête, Ethan, te voilà revisité par ton génie comique. Dites-moi, Miss Mosey, voulez-vous m'épouser ?»« Tu t'es réveillée aussi bête ?»« L'année est au jour, le jour est au matin. »« Oui, c'est ça. Sais-tu que c'est vendredi saint ?» Ces sales Romains montent au calvaire, dit-il d'une voix caverneuse. Ne sois pas sacrilège, Marulo te laissera-t-il fermer le magasin à 11h ? Chérie, poussin en fleurs, Marulo est catholique et macaroni. Il ne se montrera vraisemblablement pas du tout. Je fermerai à midi quand l'exécution sera terminée. Que c'est laid, ce langage de pèlerin. Erreur, coccinelle, je tiens cela de ma mère. Ses façons de parler de pirates. Il s'est bien agi d'une exécution, sais-tu. Ce n'étaient pas des pirates, tu l'as dit toi-même, mais des baleiniers munis de lettres du... Comment dis-tu? Le Congrès continental? Le navire qui leur a tiré dessus les a pris pour des pirates et les GI romains croyaient procéder à une exécution. Maintenant, te voilà fâché, je te préfère idiot. Je le suis, chacun le sait. Well, pin down like a bunny. tu me fais dire n'importe quoi. Tu as tout lieu d'être fier. Des pères pèlerins et des capitaines baleiniers dans une seule famille. Tu crois ça ? Que veux-tu dire ? Penses-tu que mes grands ancêtres seraient fiers de savoir qu'ils ont produit un humble commis épicier dans une misérable épicerie italienne de la ville qui était leur ? Mais tu n'es pas commis, tu es une sorte de gérant. C'est toi qui tiens les livres, encaisse l'argent, fais les commandes. Mais bien sûr, je balaye aussi, je sors les ordures, je fais des courbettes à ma rouleau. Et si j'étais chat, je lui boufferais ses souris. Elle l'entoura de ses bras. Sois un peu sérieux, je t'en prie, ne jure pas un vendredi saint, je t'aime. Entendu, dit-il au bout de quelques instants. C'est ce que tout le monde dit. Mais ne te crois pas autorisé pour autant à bavarder toute nue avec un homme marié. Je voulais te parler des enfants. Ils sont en prison ? Te revoilà idiot. Peut-être vaut-il mieux qu'ils te le disent eux-mêmes. Mais pourquoi ne veux-tu pas ? Margie Young Hunt va me lire encore aujourd'hui. Comme un livre ? Qui est Margie Young Hunt ? Qui est-elle parmi tous nos courtisans ? Si j'étais jalouse, il paraît que lorsqu'un homme prétend ne pas avoir remarqué une jolie fille. Oh, c'est celle-là, une fille, elle a eu deux maris. Le second est mort. Je veux mon petit déjeuner. Tu y crois à tout ce truc ? Margie a vu le frère dans les cartes, quelqu'un de proche et de cher, a-t-elle dit. Quelqu'un qui m'est proche et cher ne va pas tarder à recevoir mon pied quelque part s'il ne file pas chercher du fret. J'y vais. Des œufs ? Oui, je suppose. Pourquoi appelle-t-on ça Vendredi Saint ? Qu'y a-t-il de saint là-dedans ? Oh, toi et tes plaisanteries ! Machines don't argue and don't need grace. Yet we buy and make them rich. Take the battle to the streets. Riot! Take the battle to the streets. Riot! Take the battle to the streets. Riot! Take the battle to the streets. Riot! They can't read, they can't even say the name, and I'm the only one. We'll be right back. Le café était fait et les œufs dans un bol, à côté d'une pile de toast, lorsque Ethan Allen Olley se glissa derrière la petite table à côté de la fenêtre. « Je me sens bien, dit-il. Pourquoi appelle-t-on cela Vendredi Saint ?»« Le printemps, répondit sa femme, debout à côté du fourneau. »« Vendredi de printemps ?»« Fièvre de printemps. Les enfants sont-ils levés ?»« Penses-tu, ces sales petits paresseux, fais-les sortir du lit et fouette-les. » « Tu dis des horreurs quand tu es idiot. Rentreras-tu de midi à 3 heures ?»« Pas de danger. »« Et pourquoi ?»« À cause des femmes, je me glisserai furtivement. Cette Margie, peut-être. »« Ethan, ne parle pas comme ça. Margie est une bonne amie. Elle te donnerait sa chemise. »« Ouais. Et où la prendrait-elle ?»« Encore ce langage de pèlerin. »« Je te parie ce que tu voudras, que nous sommes parents. Elle a du sang de pirate dans les veines. » Oh, encore tes bêtises. Tiens, ta liste. Marie l'a lui mis dans sa poche. Elle paraît longue. Mais c'est la semaine de Pâques, souviens-t'en. Et 2 douzaines d'œufs, n'oublie pas, tu vas être en retard. Je sais, je pourrais manquer une vente pour Marulo. Pourquoi 2 douzaines ? Pour l'éteindre, Allen et Marie-Hélène les ont réclamées. Tu ferais mieux de partir. Entendu, puceron. Dois-je monter rosser Allen et Marie-Hélène ? Tu les pourriettes et tu le sais bien. Bon voyage au navire de luxe. Moscow Death Brigade 2015. The bloody Vikings of the beat, it's us. No one is illegal. One place of broke rock papers for an accent. The presence here is an acceptable accident. The done accident, public the level's excellent. The speed and lies in the eyes and never hesitate. You know what I'm saying, if it's not just pray your prayers, then look the other way for terrorists, mothers and slavers. But if you're running for your life and to escape the slaughter, then let your wife die to feast on your sons and daughter. Poison the water, the feast of legalized murder. The lies about human rights don't cross the quarter. They burn the bomb, let them be strong, close the border. And feed the world another table, double top reporter. Forward to the can I ask you remember? And their lives are sending people back to gas chamber. Defeat the beast, at least you know what to expect. Insert the borders in the history and beats itself. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, race to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, race to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. The cycle closes and the history repeats itself. Like 80 years ago, abandoned and close to the death. Who happened to be born on the wrong side of the fence? Ignoring all the atrocities and cries for help. They're almost empathy, balance in lost humanity. Progressive wannabe society begets another malady. The remedy, humanitarian calamity. Another people deny the right to live in vanity. Another human race catastrophe. Another instance of entitled mass destroying lack of empathy. Authorities awaken war. You people lie in idleness. Refuse to take responsibility for leaders' violence. Communities of hypocrites reveal their rotten values. Civilized, more devoted, basic principles of kindness. Close-minded, close the borders and you deny the price of economic companies, their innocent lives. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, race to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, race to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Face the facts, no thanks, you pass my black stack.

claqua la porte et sortit dans le matin vert et or. Il se retourna pour regarder la vieille maison gracieuse, celle de son père et de son grand-père. Laquée de blanc, un œil de bœuf au-dessus de la porte d'entrée, elle était enfouie dans les lilas centenaires, au tronc gros comme votre taille et gonflé de bourgeons. Les ormes d'Elm Street joignaient leurs fêtes dorées de feuillages nouveaux. Le soleil venait de sauter par-dessus la banque, il éclairait la masse argentée du gazomètre et réchauffait l'odeur de varech et de sel du vieux port. Very important and prominent. You ready? It's called Violence in Our Minds. Happy anniversary! Yeah! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Ce jeudi soir, il pleuvait à verse, un véritable rideau de gouttes serrées venant du port que poussait un violent vent d'automne. Les essuie-glaces balayaient furieusement le pare-brise, tandis qu'à la radio, Sonny Rollins jouait « Isn't She Lovely ». Times Square était presque désert.

sedated, intoxicated. Nothing you won't do for ages. You can waste it, you reject it. Can't you see the ones that you lose? That poison in your veins will have you from behind. Can't you feel the pain? Can't you see the signs? That poison in your veins will have you from behind. There's no thing left to say, it only brings you down. Feel it, you're complaining when it's gone. You're getting sick, you cannot live it. You can't find peace till it's done. That poison in your veins will have you from behind. Can't you feel the pain? Can't you see the signs? That poison in your veins will have you from behind. There's no thing left to say, it only you down. Ça ne s'arrêtera jamais, dit Marta Torres, se renversant sur le siège à côté de moi. Il va pleuvoir jusqu'à la fin des temps, Sam. Non, dis-je, Emma la Rouge en aurait une attaque. Elle aime le soleil. Elle n'aime pas les terrains lourds, ma petite mère. Ne me parle pas de mère, je t'en prie. Je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Et moi non plus, dit-elle en regardant la place par la portière, comme le feu passait au vert. C'est vrai, dis-je ? Maman a plaqué papa quand j'avais 6 semaines. Elle est retournée vers le soleil et je ne l'ai jamais revue. La seule chose qu'elle m'ait laissée, c'est l'horreur des nuits froides et pluvieuses à New York. Bon, alors on n'a plus qu'à se rabattre sur Ray Barreto, quoi pas. Time. j'espère. Petite fille de Canoir, mais toujours un peu d'espoir. Pourtant, pourtant, n'oublie pas que les routes sont là et font partie de nos vies et de la scène de ma foi. Pourtant, pourtant, n'oublie pas que les routes sont là et font partie de nos vies et de la scène de ma foi. Quand la liberté surveillée, toutes dans le même promo, on chante en merci K.O. Ray Barreto est le meilleur joueur de conga de tout l'univers et nous étions en route pour aller l'écouter à Madison Square Garden. Emma LaRouge, c'est ma voiture. C'est une Jaguar XJ5 avec un moteur 12 cylindres et une admission de précision en aluminium moulé. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais j'aime bien le répéter. C'est un peu comme une version américaine de la récitation du rosaire. Emma LaRouge, c'est le sous-produit de la semaine de la chance. Époque de ma vie où, de retour du Vietnam avec 6 500 $ de défraiement, je l'ai joué à Las Vegas et en gagnais 108 000 au 21. Je n'avais jamais tant gagné d'argent et je me retirais du jeu en vitesse. Je n'ai plus jamais touché une carte, mais avec mes gains, j'ai acheté Emma LaRouge et un duplex à Soho. Au moment des premières grosses tempêtes de l'hiver, je réalisais à retardement qu'Emma était davantage Bovary que Goldman et que sous son extérieur aristocratique battait le cœur d'une midinette. Emma n'était pas une lutteuse, c'était une allumeuse, une coquette, une séductrice, et elle ne valait rien par mauvais temps. Vous êtes toujours calé sur le 100 FM, il est 23h, passé de quelques minutes, on vient d'écouter à l'instant Gang of Four, Damaged Goods, super morceau du post-punk anglais de la fin des années 70, très dansant, comme on a pu passer au Twiggy il y a maintenant quelques jours, voire une semaine ou deux pour être franc. C'est maintenant l'heure de la deuxième partie de Lost in Space, où on va maintenant s'intéresser à un live. C'est Fugazi qui va officier maintenant. Alors c'est un concert en fait qui a été organisé au Massachusetts College of Art à Boston le 19 avril 2002 et comme d'habitude avec Fugazi, les performances scéniques sont toujours présentes. Vous êtes donc bien sur le 100 FM Lost in Space et c'est parti.